Les médias mensonges occidentaux sont les relais de l'impérialisme occidental. Vous demandez où est-ce qu'ils puisent ce genre d'informations, mais il faut comprendre que ce sont des informations qui leur sont données par les services de renseignement et par le politique occidental. C'est eux qui leur disent actionnez à tel endroit parce que nous savons ce que nous avons semé. Alors, pour répondre clairement à votre question, au moment où les pays africains accèdent à l'indépendance, entre guillemets, l'indépendance sans la souveraineté, alors le colon s'en va. Mais en partant, il sait ce qu'il a semé. Deux bombes, deux virus dans la société. Il y a le virus tribal, et il y a le virus religieux. Afrique Média, le monde, c'est nous.